Bombay. Je m'enfilais de rien mes céréales aux OGM. Même pas le temps de prendre un bon bol d'air. Dehors déjà m'attendent les rejets de l'usine nucléaire. Déjà 40 degrés dehors. Le réchauffement de la planète se fait de plus en plus fort. Peu m'importe, je dois filer travailler. Prendre le dernier train qui pourrait m'amener loin. Je cherche l'exil, m'éloigner au plus de ma ville, retrouver encore un petit bout de nature, parce que rester ici ça devient de plus en plus dur. Laissez-nous donc un peu respirer, ne faites pas vos mauvaises têtes. On sent facile d'y arriver, à dépolluer la planète. La planète. L'après-midi, quand midi sonne, je dégote dans ma cuisine du poulet aux hormones pas mauvais. Mais si l'envie me prend, y'a toujours le lapin aux édulcorants. Pour la suite, pas besoin de me laver. Je fais confiance au tsunami devenu journalier si ça va mal. Si je n'arrive à rien, je peux garder le moral, tendre la main ou loin. Je cherche l'exil, m'éloigner au plus de ma ville, retrouver encore un petit bout de nature, parce que rester ici ça devient de plus en plus dur. Laissez-nous donc un peu respirer, ne faites pas vos mauvaises têtes. On sent facile d'y arriver, à dépolluer la planète. Dun, dun, dun. Un peu respirer, ne soyez pas tous si bêtes. Je suis ici pour vous chanter la complainte de la planète. Dun, dun, dun. Créons tous nos clones avant de disparaître à coups de cyclones. Ce serait bête que tout finisse ainsi. Laisser un petit morceau de planète serait bien plus poli. Qu'allons-nous dire à nos descendants? Je devais vous prévenir, c'était comme ça avant. Tout seul, on peut pas y arriver. Le meilleur moyen pour nous c'est de s'en aller loin. Je cherche l'exil, m'éloigner au plus de ma ville, retrouver encore un petit bout de nature, parce que rester ici ça devient de plus en plus dur. Laissez-nous donc un peu respirer, ne soyez pas tous si bêtes. Je suis ici pour vous chanter la complainte de la planète. Laissez-nous la complainte de la planète. Laissez-nous, c'est la complainte de la planète. Dame, dame.